Il y a des choses que j'aimerais dire là parce que là, il revient des choses que, comme hier, là, j'ai écouté sur une chaîne là, un ésotériste québécois qui est très connu, qui a reçu une dame là, qui parlait d'un monsieur là, qui tient un magasin en France. Et puis ça revient là, la symbolique de la pilule rouge et bleue. Mais il faut pas oublier que le libre arbitre, là, ben, il y a beaucoup d'illusions là-dedans. La pilule rouge et bleue, cette symbolique-là, à mes yeux, c'est une projection, là. Ça fait partie du mental polarisé de l'humain évolutif, au sens que quelqu'un qui voit la polarité, qui la comprend, il n'y a pas de pilule à prendre, là, qu'elle soit de la couleur que vous voulez. Il y a aussi, là, on parle de l'ego comme étant essentiellement mauvais, au sens où, comme je l'avais dit, on confond la pollution dans l'ego avec l'ego lui-même. Et pour en arriver à dire que l'ego est mauvais, ça, je vois un retour là, de certaines choses qu'on voyait dans les spiritualités anciennement. Et puis, non, l'ego n'est pas mauvais en lui-même. Et puis, bien sûr, ça va de pair là, avec une diabolisation du plan matériel. Eux autres, ils vont tout le temps amener ça ensemble. Au sens que, oh, l'ego est mauvais, puis là, nous autres, là, on vit dans une matrice artificielle. Là, j'ai le droit, là, quand même, je m'en vais le parler, donner ma position sur ça. Le mental égoïque est le but du plan matériel, il serait impossible sans le plan matériel, et la fusion est impossible en dehors du plan matériel. D'accord? Et puis, aussi, là, par rapport, là, si on regarde. Comme quoi, là, qu'il y aurait une matrice originelle, ça, c'est une vision déformée, subjective, involutive de ce qu'on appelle la matrice vibratoire, ce qu'eux appellent la matrice originelle. Et c'est là aussi un retour encore déformé. C'est un peu comme les anciennes spiritualités qui parlaient de paradis perdu, de choses comme ça. C'est un retour de ces formes-là sous d'autres formes, de ces choses-là. Donc, non, l'ego n'est pas mauvais en soi, il est simplement pollué. Nous ne sommes pas dans une matrice artificielle, nous sommes dans quelque chose, le plan matériel, qui est essentiel au niveau de l'être humain expérimental qui devra connaître là, la fusion, la polarité là, rouge-bleu de la pilule. Ça fait partie de la vision polarisée évolutive des collectifs humains actuels. Il n'y a pas de pilule à prendre, là. Il n'y a pas le monde éveillé puis le monde endormi de chacun de leur bord. C'est une vision polarisée, ça. L'éveil, c'est progressif. Ça n'arrive pas d'un coup. Et puis là, au niveau, là encore, de dénigrer le plan matériel, le plan matériel est extraordinairement important, même pour les autres plans. C'est sur le plan matériel que se produit la fusion. Sans le plan matériel, il n'y aurait pas la conscience égoïque et le plan matériel a été créé pour ça, entre autres. Donc, là, les histoires là, de pilules, puis les histoires là, que nous vivons dans une matrice artificielle, puis les histoires là aussi là, de matrice originelle. Et puis, moi, mes yeux, ça, c'est toutes des illusions. C'est toutes des illusions et ça fait partie des forces évolutives qui continuent d'agir, mais sous de nouvelles formes. Mais fréquentiellement, ça se reconnaît, ça se voit. Là, je commence à avoir certaines choses, là. J'ai pas à critiquer personnellement là, le travail de certains, mais à mon niveau, je peux prendre position, puis me positionner et le parler. Ces gens-là, ils font leur job, ça sert, comme par exemple, si ce n'était pas abordé dans le public, je ne l'aurais pas abordé. Mais là, les histoires là, de mental polarisé, comme quoi qu'il y a du monde là, éveillé, il y en a d'autres qui dorment, là, c'est non, c'est un dégradé. C'est pas comme ça fait partie du mental polarisé qui va classer d'une façon subjective les choses en dans des polarités. Et ça fait partie, ça, du mental involutif humain. Puis la matrice artificielle, l'artificiel, là, il est dans la perception subjective de l'être humain involutif. Il est là, l'artificiel. puis la masque, vous trouvez ça fait partie, ça, des structures de l'âme. Et la fusion est impossible en dehors de la matière. Donc, je ressentais, là, il fait, ça quand j'ai vu ça, là, ça met, ouais. Puis, tant qu'à être en fréquence par rapport à ça, aussi bien le parler, le dire, ça fait que les affaires, là, de paradis perdu, puis de polarisation, puis de toutes ces choses-là qui servent à rassurer l'âme, ça retarde le contact avec l'esprit, et, bon, je me choquerai pas, je ne suis pas en colère, là. C'est simplement que je sais que ça se parlera pas. Puis là, le monde, il part dans des affaires de... Bonne journée.